Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On l'a appelé le dictateur bien-aimé de l'Occident, Paul Kagame, le président du Rwanda. Dictateur, certes, car malgré les apparences d'un système démocratique, le tout-puissant Kagame dirige son pays en autocrate. Et il n'est guère recommandé de lui tenir tête. Bien-aimé, oui, car ce président qui vit modestement a radicalement transformé son petit pays, traumatisé par le génocide de 1994. Et l'aspect propre des rues de Kigali, la même où sévissaient 20 ans plus tôt les tueurs à la machette, ne manque pas de frapper les visiteurs étrangers. Enfin, et surtout, le Rwanda de Paul Kagame est l'un des bons élèves de l'Afrique. Un exemple même tant sont réels ses succès en matière économique, sociale ou encore d'éradication de la corruption. C'est pourquoi les pays occidentaux, et particulièrement les États-Unis, se sont entichés du petit Rwanda et ont longtemps soutenu son président. En outre, il y avait derrière cette sympathie, le sentiment de culpabilité d'une communauté internationale qui n'était guère intervenue pour éviter le génocide. Mais il a bien fallu déchanter. D'abord parce qu'il est avéré que le Rwanda pille les richesses minières de son voisin congolais et y entretient la violence. Et ensuite parce que Paul Kagame a une fâcheuse tendance à ordonner l'élimination physique de ses opposants. On l'a encore constaté au tout début de l'année. Monsieur X ouvre ce délicat dossier. Un mot tout d'abord. Critiquer Paul Kagame, c'est s'exposer à être traité de révisionniste. Oui, parce que ça reviendrait à remettre en question la responsabilité du génocide. Oui, qui, il faut le rappeler, a causé la mort d'au moins 800 000 Rwandais. Des Tutsis, hein. Massacrés par les Hutus au pouvoir, qui ont été ensuite vaincus par l'armée Tutsi de Kagame. Et ça a été la fin du génocide. En juillet 1994, oui. Depuis, c'était inévitable, le Rwanda cultive la mémoire de ce génocide et son gouvernement a mis en œuvre une véritable politique de commémoration. Nombreux sont les monuments ou les musées qui témoignent de l'horreur des massacres de 1994. À Murambi, par exemple, où 27 000 Tutsis ont été tués dans l'école de la localité, on peut voir des centaines de corps figés dans leurs gangs de chaux. Mais cette politique de commémoration est aussi un moyen de cimenter la population. Hein. En rappelant à tout propos et à tout moment que l'impensable s'est produit en 1994. Il faut d'ailleurs reconnaître que le pouvoir rwandais ne s'est pas contenté d'entretenir cette mémoire, mais a aussi pris d'importantes dispositions pour mettre fin au traditionnel antagonisme entre Hutus et Tutsis. La mention ethnique ne figure plus sur les cartes d'identité, il est même désormais interdit de faire publiquement allusion à cette caractéristique ethnique. Même si, enfin, on en a parlé autrefois, hein, cette spécificité ethnique a été artificiellement construite et exploitée par le colonisateur. Hein. C'est exact. Alors, un mot avant d'ouvrir ce dossier. Si le Rwanda reste l'un des pays les plus pauvres du monde, la situation de sa population s'est considérablement améliorée. La mortalité infantile a été réduite de 70% et son économie croît en moyenne de 8% par an. D'autre part, le gouvernement a lancé un ambitieux programme national d'assurance maladie et favorise systématiquement l'accès des femmes aux responsabilités politiques. Elles sont par exemple majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais il y a quand même un point noir. Le Rwanda dépend toujours financièrement de l'aide internationale. Et puis, il y a son armée, hein, qui est l'une des plus performantes du continent. Enfin, qui lui coûte très cher. Et c'est un aspect forcément controversé, étant donné les tentations interventionnistes du Rwanda. Au Congo voisin. Oui, on en reparlera. Alors, pour commencer, je vous propose d'abord de nous intéresser au personnage principal. Ouais, Paul Kagame. Bien sûr. L'homme est physiquement impressionnant, très grand, très maigre. Un visage émacié, orné d'une courte barbiche et surtout un regard perçant derrière ses lunettes carrées. Quel âge a-t-il aujourd'hui ? 56 ans, je crois. Il est né au Rwanda, mais il avait à peine 2 ans quand sa famille a dû fuir. À cause des exactions exercées contre les Tutsis. Hein. Oui, il y a un demi-siècle, on observait déjà de véritables pogroms anti-Tutsis. Kagame a donc grandi dans un camp de réfugiés en Ouganda. Il devait avoir une forte personnalité car il a été très vite repéré par le mouvement rebelle ougandais. Ouais, c'est-à-dire l'organisation de l'actuel président ougandais. Hein. Museveni, oui, qui a conquis le pouvoir en 1986. Ouais. Oui. Kagame est donc alors, à ce moment-là, considéré comme un citoyen ougandais. Comme nombre d'autres réfugiés rwandais. La preuve, c'est qu'il est recruté par les services de renseignement ougandais et qu'il y gravit rapidement les échelons. Quelles sont les qualités qu'on lui reconnaît ? Incontestablement, c'est un homme brillant. Rusé. C'est aussi un gestionnaire et un pragmatique. À noter qu'il effectue un stage d'entraînement aux États-Unis dans l'école d'officiers de Fort Leavenworth. Le Pentagone développe alors un programme de formation des armées africaines. Cela explique peut-être aussi pourquoi Kagame a été si longtemps regardé avec bienveillance par les Américains. Hein. Sans doute. Quand les réfugiés Tutsis en Ouganda décident la création d'une armée, Kagame en est obligatoirement. Et il devient même le chef de cette armée patriotique rwandaise qui bénéficie naturellement du soutien militaire et matériel du président ougandais Museveni. Oui. Kagame est donc d'abord un militaire. Ah oui, mais c'est aussi un politique avisé et habile qui va prendre la tête du FPR, le Front Patriotique Rwandais. En tout cas, c'est en 1990 que ses troupes passent la frontière ougandaise et envahissent le nord du Rwanda. Oui, le début d'une guerre qui va durer jusqu'en 1994. Hein. Avec une pause toutefois, en 1992. Cette année-là, le FPR et le gouvernement rwandais du président Habyarimana signent un cessez-le-feu et amorcent une tentative de réconciliation. Mais les massacres de Tutsis ne tardent pas à recommencer. Oui, l'accord de paix vole en éclats. Mais obligatoirement. Est-ce que le président Habyarimana pratique le double jeu ? On peut l'imaginer, comme on peut aussi estimer que certains extrémistes dans le camp Hutu ne veulent à aucun prix d'un accord avec les Tutsis et sont prêts à commettre l'irréparable pour l'empêcher. Mais ceux qui, en 1994, seront les acteurs du génocide. Et qui appartiennent parfois à l'entourage très proche du président Habyarimana. Je vous rappelle, car nous avons déjà évoqué ce sujet, que ce sont ces extrémistes qui sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir abattu l'avion du président rwandais. Oui, parce qu'ils pensaient que Habyarimana finirait par trouver un accord avec le FPR. Alors que selon une autre hypothèse, ce serait le FPR de Kagame qui aurait perpétré l'attentat. Oui, mais les investigations conduites par le juge français Trévidic semblent indiquer que le coup aurait été commis par les extrémistes Hutus. Car les missiles qui ont abattu l'avion présidentiel auraient été tirés depuis un camp occupé par l'armée rwandaise. Et donc Hutus. Oui. Quoi qu'il en soit, vous le savez, c'est cet attentat qui engendre le début du génocide. Dès le lendemain. Hein. En avril 1994. Bon, je ne reviens pas sur ces terribles événements dont nous avons souvent parlé. C'est au début juillet que les troupes du FPR s'emparent de la capitale, Kigali. Et quelques jours plus tard, la guerre se termine. Le FPR a gagné. Mais à quel prix ? 800 000 personnes, en majorité Tutsis, ont été tuées. Et 2 millions d'autres ont dû fuir leur domicile. Ouais, Kagame triomphe. Oui, mais il ne va pas exercer tout de suite le pouvoir. Il est d'abord ministre de la Défense, puis vice-président. Et qui est alors le président ? Un Hutu qui a rejoint le FPR et a lutté en son sein. Pasteur Bizimungu. Il dirige un gouvernement d'union nationale. Oui, mais j'imagine que Kagame est un personnage influent de ce gouvernement. Bien entendu, c'est lui qui, en tant que chef du FPR, tire les ficelles. Et il doit ranger son frein en attendant d'exercer la plénitude du pouvoir. En 2000, il arrive à ses fins. Bizimungu entre en conflit avec le gouvernement. Il est poussé à la démission. Oui, et remplacé par son vice-président. Évidemment. Mais Kagame entend faire taire durablement son rival. 2 ans plus tard, alors que Bizimungu tente de fonder son propre parti, il est arrêté et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Oui, Kagame déteste la concurrence. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il est rancunier. Bizimungu, coupable de l'avoir défié, est lourdement condamné. 15 ans de prison. Il faut quand même dire qu'en 2007, il bénéficiera d'une grâce présidentielle. Mais si Bizimungu a été condamné pour avoir voulu créer un parti, c'est donc que le Rwanda vit sous un régime de parti unique. Oh, jusqu'en 2003, oui. À cette date, une nouvelle constitution qui instaure le multipartisme est adoptée par référendum. Mais c'est une fiction. En réalité, c'est toujours le parti État, le FPR, qui détient le pouvoir. Et les petits partis politiques qui verront le jour ne seront que des succursales du FPR. Ça permettra à Kagame de remporter l'élection présidentielle de 2003 avec un score quasi soviétique, quelque 95% des voix. Et en 2008, le FPR gagnera les élections législatives avec un score de 98,39%. Ben, c'est la preuve que le FPR verrouille la vie politique rwandaise. Oui, mais même le pouvoir jugera le résultat du scrutin si peu crédible que ce score sera ramené à un résultat plus acceptable, tout de même. 78% des voix. Il y a donc eu fraude. C'est évident. La mission européenne d'observation électorale le constatera. Mais pour ne pas encourir le courroux de Kagame, ces observations ne seront pas rendues publiques. Les Européens, alors, comme les Américains, ménageaient donc Kagame. Ah, que voulez-vous, il s'agissait toujours de ce sentiment de culpabilité qu'ils éprouvaient. Et pourtant, le président rwandais n'allait pas tarder à donner de nouvelles preuves du caractère répressif et même criminel de son pouvoir. Extrait d'un reportage de septembre 2013 paru dans le New York Times sous la signature de Jeffrey Gentleman. Le journaliste évoque le climat de peur qui règne au Rwanda. Kagame est peut-être le plus compliqué de tous les dirigeants africains. Le problème concerne non pas tant les résultats que les méthodes. Le président a la réputation d'être sans pitié, brutal, et même s'il reçoit force louange. Il a réprimé son propre peuple et soutenu secrètement des groupes rebelles meurtriers dans le Congo voisin. Du moins, c'est ce qu'affirment ses détracteurs, toujours plus nombreux, y compris de hauts responsables onusiens et des diplomates occidentaux, sans parler des innombrables dissidents rwandais qui ont fui le pays. Ils font valoir que son petit pays bien propre, plein de promesses, parfois surnommé le Singapour africain, est l'un des plus répressifs au monde. Bien peu de gens au Rwanda parlent librement du président et beaucoup des aspects de la vie sont dictés par l'État. En 2010, le président Kagame est triomphalement réélu à la tête du pays avec plus de 93% des voix. Y avait-il d'autres candidats ? Trois autres, en effet. Trois inconnus qui, bizarrement, avaient tous fait allégeance au FPR. Ouais, le parti de Kagame. C'était donc une parodie de consultation démocratique. En effet. Mais il vous faut savoir que les vrais opposants ont quitté le pays ou qu'ils ont été muselés quand ils n'ont tout simplement pas été liquidés. Cependant, on va voir cela plus précisément dans un instant. En attendant, encore un mot sur ces scrutins acquis haut la main à Kagame. En 2013, son parti a de nouveau triomphé aux élections législatives. Et c'est très important pour lui, car en dépit de la Constitution, le président voudrait pouvoir concourir en 2017 à l'issue de son mandat actuel. Oui, parce que pour l'instant, il ne peut accomplir que deux mandats. Oui, mais grâce à cette chambre qui lui est acquise, il obtiendra aisément de pouvoir modifier la Constitution, égard à ceux qui lui dénient ce droit. Son ministre de la Justice, un homme pourtant influent, a osé exprimer son opposition à cette modification constitutionnelle. Résultat, il a été prestement débarqué du gouvernement. Une éviction qui traduit aussi une orientation nouvelle du président Kagame. Expliquez-moi. D'après les meilleurs observateurs de la politique rwandaise, le président veut se débarrasser de ses compagnons militaires de la première heure. Mmh, comment alors ? En leur faisant peur. Et à leur place, il veut imposer une nouvelle génération d'officiers n'ayant aucun lien direct avec la rébellion qui l'a conduit au pouvoir. Ouais, c'est-à-dire autant de gens qui lui devront tout. C'est ça. Des jeunes technocrates formés dans les universités américaines et qui, dépourvus d'idées préconçues sur l'histoire de leur pays, lui obéiront au doigt et à l'œil. Il veut donc éliminer la vieille garde. Oui, car ses compagnons de jeunesse, non seulement, pourraient lui parler d'égal à égal, mais ils connaissent surtout ses petits secrets. Et du temps où il est monté en puissance. Et finit par arriver sur la plus haute marche, oui. Et alors, en somme, des témoins gênants. Et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils savent que le régime dont ils ont été partie prenante n'a jamais hésité à se débarrasser physiquement de ses opposants. Deux exemples. D'abord, celui de Senda Songa, un ministre de l'Intérieur qui a été écarté après avoir dénoncé les atteintes aux droits de l'homme dans son pays. Ah, ça, c'est un crime de lèse-majesté. Et à quel propos ? Il accusait le régime d'avoir été complice de massacres de Hutus qui avaient suivi immédiatement le génocide. Et ce Senda Songa avait recueilli de nombreuses preuves. Naïvement, il les a envoyées à Kagame. On lui a fait comprendre aussitôt qu'il serait plus en sécurité hors du pays. Et il s'est exilé. Il est parti au Kenya, puis en Tanzanie. Mais consciencieusement, il a continué à étayer son dossier de preuve contre le FPR. Il a été victime d'une première tentative d'assassinat en 1996. Et deux ans plus tard, il a été abattu dans une rue de Nairobi, quelques jours avant son audition devant le TPIR, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Et il en a été de même pour un autre opposant, le colonel Lizende, tué lui aussi dans une rue de la capitale du Kenya. Mais ceux qui ont vraiment déchaîné la colère de Paul Kagame sont au nombre de quatre. Et ce sont tous de vieux compagnons du président rwandais, puisqu'ils se sont connus en Ouganda lors de leur exil. Et ils ont donc participé avec Kagame à la création du FPR. Un mouvement qui, il faut le rappeler, avait pour vocation d'obtenir le retour chez eux des exilés et l'instauration d'un régime démocratique à Kigali. Alors, qui sont les membres de cette bande des quatre ? On y trouve le général Kayumba Nyamwaza et l'ancien chef d'état-major Théogène Rudasingwa, l'ex-procureur général Gérard Kaïma et enfin Patrick Karegeya. Eh, ça, c'est celui qui a été assassiné au début de cette année. Oui, oui, un homme qui pouvait légitimement inquiéter Kagame, car il a été longtemps le chef de ses services secrets. C'est lui, par exemple, qui a supervisé la liquidation de ces deux exilés assassinés au Kenya, dont je viens de vous parler. Alors, l'exécuteur des basses besognes, par conséquent. Exactement, et un personnage qui veillait à ne pas laisser de témoins derrière lui. Dans cette affaire du Kenya, l'ambassadeur rwandais a certainement été complice. Eh bien, il a été mystérieusement tué lors de son retour au pays. À l'initiative de Patrick Karajaya ? On peut le penser. Mmh. Alors, voyons maintenant quel a été le parcours de cet homme redoutable, qui a été un ami d'enfance de Kagame. Je vous écoute. Comme son ami, Karajaya a donc passé une bonne partie de sa vie en Ouganda, où il a fréquenté l'université, avant de rejoindre le mouvement rebelle ougandais qui a porté Museveni au pouvoir. Puis, tout comme Kagame, il a intégré les rangs de la rébellion rwandaise et participé à la guerre. En 1994, après la victoire du FPR, il est nommé directeur général des services de renseignement extérieur. Et pendant 10 ans, Karajaya sera l'un des collaborateurs les plus fidèles de Kagame. Les plus proches aussi. Naturellement, car il occupe un poste extrêmement sensible et jouit d'un immense pouvoir. Appartenant au premier cercle, c'est lui qui traque pour le compte de Kagame les ennemis du régime dans toute la région des Grands Lacs. Mais soudain, au milieu des années 2000, Karajaya tombe en disgrâce. Mais pour quelle raison ? Il y a d'abord ce que je vous ai expliqué précédemment. La volonté de Kagame de faire place nette. Oui, d'éliminer les plus anciens de ses compagnons. Mais selon Karajaya lui-même, les deux amis auraient été en désaccord sur les méthodes de gouvernement de Kagame. Si c'est vrai, il a quand même mis du temps à s'en apercevoir, hein, après avoir été si longtemps à la tête des services secrets. Vous avez raison. En tout cas, en 2006, après avoir été rétrogradé au rang de porte-parole de l'armée, il est arrêté et emprisonné. Et ce colonel est même dégradé. Mais en février 2008, il parvient à fuir et se réfugie en Afrique du Sud. Et d'emblée, il menace publiquement de tout révéler lorsque le moment sera venu. Tout dévoiler, c'est-à-dire ? Ça me semble clair. Il a certainement quitté le Rwanda avec un certain nombre de dossiers. Et lui-même est bien placé pour ne rien ignorer des aspects les plus obscurs du régime rwandais. D'accord, mais pour cette même raison, il sait ce qu'il risque. Parfaitement, d'autant qu'un autre membre de la bande des quatre, son confrère, Kayumba Nyamwasa, a été victime de 2 tentatives d'assassinat dans cette Afrique du Sud où il a trouvé asile. Mais on reparlera de Nyamwasa. Karajaya se voit donc proposer par le gouvernement sud-africain la mise en place d'une protection rapprochée. Toutefois, il refuse. Et pourquoi ? Karajaya préfère garder sa liberté de mouvement. C'est risqué, hein ? Oui, mais Karajaya affirme qu'il sera vigilant et qu'il choisira avec précaution ses lieux de rencontre. Mais ça signifie aussi qu'il n'a pas renoncé à l'action politique. Et au combat contre le régime de Kagame. D'ailleurs, en 2010, il fonde avec les 3 autres membres de la bande des quatre, enfin continuons à l'appeler ainsi, un parti politique, le RNC, le Congrès National Rwandais. Oui, un parti anti-Kagame. Bien entendu. Et ces 4-là, même s'ils sont exilés, sont des poids lourds et peuvent sérieusement embarrasser le pouvoir rwandais. Il faut observer qu'en cette même année 2010, au lendemain de la réélection de Kagame, des attentats à la grenade sont perpétrés à Kigali. Or, coïncidence ou pas, Patrick Karajaya déclare alors dans une interview au New York Times que le changement au Rwanda ne peut pas venir par l'élection, mais par des moyens violents. Ah oui, ça sonne ça comme une sorte de revendication de ces attentats. Ce sera naturellement la conclusion du régime en place. Et désormais, Karajaya devient évidemment un homme à abattre. Il le sait d'ailleurs parfaitement. En 2013, il se confie à un autre journal américain, le Wall Street Journal. Il affirme que Kigali ne supporte plus aucune opposition. Ceux qui ont fui pour s'exiler ne sont pas du tout en sécurité. Il y a un plan délibéré pour tous les tuer. Ouais, et peu après, Karajaya sera effectivement assassiné. Le 1er janvier 2014, oui. Et on va voir dans quelles circonstances. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Colette Brakman, très bonne spécialiste belge de l'Afrique, explique dans son blog de janvier dernier pourquoi le régime rwandais était décidé à en découdre avec la bande des quatre et particulièrement avec Karegeya. Ces quatre hommes, des piliers du régime, jouissaient d'un prestige considérable au sein de l'armée, mais ils ne tardèrent pas à s'opposer à Kagame, non seulement parce que ce dernier entendait lutter impitoyablement contre la corruption, mais surtout parce qu'il ne supportait guère la contradiction, fût-elle venue de ses plus anciens camarades. Or, certains d'entre eux, d'après Karegeya, s'étaient opposés à la deuxième guerre du Congo et à toutes les tentatives de déstabilisation du pays voisin. Depuis son refuge sud-africain, Karegeya s'était révélé un opposant pugnace et dangereux. Non seulement il se targuait de pouvoir démontrer l'implication de Kagame dans l'attentat contre l'avion d'Abiarimana, mais surtout, il avait noué des contacts au Congo et Kigali accusait ce Tutsi de grand lignage d'avoir conclu une alliance contre nature avec les combattants Hutus des FDLR, un soupçon qui s'est transformé en condamnation à mort. Avant de voir plus en détail les circonstances de la mort de Karegeya, un mot sur un autre membre de cette bande des quatre qui suscite la fureur de Kagame, le général Faustin Nyamwaza, et l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise. Et il a suivi exactement le même parcours que ses amis Kagame et Karegeya. Ouais, donc l'Ouganda, puis le retour au pays dans la décennie 90. Lui, c'est, semble-t-il, à partir du début des années 2000. Que Kagame aurait commencé à se méfier de lui. Et y avait-il une raison ? Il aurait critiqué la façon dont Kagame avait usé pour chasser Bizimungu de la présidence. En 2004, Nyamwaza est nommé ambassadeur en Inde et il comprend que Kagame entend ainsi l'éloigner du pouvoir. Mais lorsqu'il revient au Rwanda, il s'estime en danger et trouve plus prudent de gagner lui aussi l'Afrique du Sud. À noter que Kigali le rendra responsable des attentats à la grenade dont je vous ai parlé. À la même époque, c'est-à-dire en juin 2010, on tente de l'assassiner à deux reprises. Une balle dans le ventre lors d'une fusillade en pleine rue, puis une tentative d'étranglement sur son lit d'hôpital. Et les coupables sont identifiés ? Trois Rwandais et trois Tanzaniens sont arrêtés immédiatement, mais ne sont pas encore jugés. Les autorités sud-africaines disposeraient d'enregistrements dans lesquels le chef du renseignement militaire rwandais discute des meurtres en préparation de Nyamwaza et Karegeya, avec des agents recrutés en Afrique du Sud. Conséquence alors ? Cette grave affaire a entraîné une crise diplomatique entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Les relations ont même été rompues pendant 2 ans. Quant à Nyamwaza, la sécurité sud-africaine l'a immédiatement mis à l'abri. Et c'était d'autant plus urgent que, d'après la presse sud-africaine, les autorités ont mis au jour un autre complot visant Nyamwaza. Une entreprise privée de sécurité aurait été engagée par les services rwandais pour dénicher le lieu de résidence du général. Et d'autres réfugiés rwandais auraient été embauchés comme tueurs à gages. Mais vous allez le voir, il est toujours en danger. Alors maintenant, il est peut-être temps de revenir à Karegeya. Le 1er janvier 2014, Patrick Karegeya est retrouvé mort dans la chambre d'un hôtel ultra sécurisé à Johannesburg. Ultra sécurisé ? Par la police sud-africaine. Ah bon ? Donc Karegeya n'a pas choisi cet hôtel par hasard ? Non, je vous l'ai dit, il était très conscient des menaces qui pesaient sur lui. 4 jours avant son assassinat, Karegeya a adressé à un groupe religieux basé aux États-Unis une lettre ouvertement accusatrice à l'encontre de Kagame, où il écrivait à peu près ceci. « Jamais, depuis l'époque d'Idi Amin Dada, les services de sécurité d'un État n'ont terrorisé un pays à un tel degré, répandant la peur et la terreur sur les citoyens rwandais. Mais comment est-il mort ? Il a sans doute été étranglé, si l'on en juge par l'enflure de son cou et la corde qui gisait près de son cadavre. D'autre part, on retrouvera dans le coffre-fort de la chambre un essuie-main taché de sang. Ah, il y aurait donc eu lutte. C'est vraisemblable. Autre observation importante. Karegeya ne se trouvait pas dans sa chambre, mais dans celle d'un Rwandais qu'il devait rencontrer. Qui ? un homme voyageant fréquemment entre son pays et l'Afrique du Sud, un certain Apollo Kiri-Risi, un riche homme d'affaires qui est courtier en huile de palme. Ouais. C'est donc le principal suspect ? Ah, forcément, car ce Kiri-Risi est le dernier à avoir rencontré Karadjaya. Ils ont même déjeuné ensemble, le 31 décembre. Attends, et se connaissait-il ? Ah, très bien. Lorsque Karadjaya était alors chef des services secrets rwandais, il avait recruté Apollo en tant qu'informateur. Et il semble bien qu'ils étaient restés en contact. Alors cet homme d'affaires continuait donc peut-être à l'informer. C'est probable. Kiri-Risi lui fournissait sans doute des renseignements sur l'évolution du régime de Kigali selon un opposant rwandais en exil. Il connaissait bien le maître espion. Et toujours, d'après ce même homme, Karadjaya avait gardé de multiples contacts au sein de son ancien service. Or, ces trois téléphones portables n'ont pas été retrouvés. Elle a été dérobée par le ou les assassins. Vraisemblablement. Et si, comme on peut l'imaginer, la mémoire de ces appareils contenait les noms des contacts de Karadjaya, il faut certainement s'attendre à ce que les services de renseignement rwandais soient l'objet d'une importante purge. Quelles ont été les réactions là, après la disparition au début de l'année de Karadjaya ? L'Afrique du Sud a bien sûr condamné officiellement le meurtre, mais elle a réagi prudemment. Comme pour ne pas envenimer ses relations avec le Rwanda ? Et qui reste bien délicate depuis 2010. Donc à Pretoria, on attend les conclusions de l'enquête. Et à Kigali ? Les réactions ont été beaucoup plus intéressantes, et en particulier celles de Kagame en personne, qui ont constitué des sortes d'aveux. Ah ben, racontez. Dans un discours prononcé dans une église protestante de Kigali à la mi-janvier 2014, le président rwandais a évoqué l'assassinat de son ancien ami et il a déclaré ceci. « Quiconque trahit notre cause ou souhaite du mal à notre peuple deviendra une victime. » Ah ben, c'est en effet très clair. Et pour sa défense, si j'ose dire, il a ajouté « Ceux qui nous accusent d'être responsables de la mort de Patrick Karadjaya ont fait de même un millier de fois pour défendre leur nation. Ouais, » Oui, c'est un peu bizarre ça. En tout cas, il n'a manifesté aucun regret. Et un peu plus tard, dans une interview, il a surenchéri. Je cite à peu près hein, « Le terrorisme a un prix. La trahison a un prix. On est tué comme on a soi-même tué. Et chacun a la mort qu'il mérite. Ouais. » Bref. Karadjaya l'a bien cherché. Alors, vous me demandiez quelles avaient été les réactions. Eh bien, la plus ferme est venue de Washington. Non seulement on y a condamné le meurtre de Karadjaya, mais on a émis un sérieux avertissement. Si un tel incident se produisait sur le sol états-unien, cela aurait de graves conséquences sur les relations bilatérales. Oui, parce que les exilés rwandais vivent aux États-Unis. Et même deux des membres fondateurs du RNC, ce parti d'opposition auquel appartenait Karadjaya. Par ailleurs, très officiellement, les autorités américaines ont déclaré être troublées par cette succession de meurtres d'exilés rwandais et les déclarations récentes du président Kagame. Oui, mais j'imagine que le gouvernement du Rwanda a répliqué. Oui, son représentant à l'ONU a riposté sèchement en invitant les Américains à s'occuper d'abord d'Al-Qaïda et à laisser les Rwandais s'occuper à leur façon des affaires de terrorisme auxquelles ils sont confrontés. Ouais, il s'agit là d'un sérieux coup de franc entre les deux pays. Et c'est d'autant plus spectaculaire que les États-Unis ont été parmi les plus fervents partisans du président rwandais. À Washington, on a longtemps estimé que Kagame devait être un modèle pour les autres chefs d'État africains, notamment en raison de sa bonne gouvernance. Ouais. Mais alors, ça a changé avec Obama. Obama, qui, bien plus que Clinton et surtout Bush Jr., est plus attentif au respect des droits de l'homme. En outre, il y a les agissements néfastes du Rwanda au Kivu, hein, cette province congolaise dont le sous-sol est si riche. Et pratiquement depuis 1994, le Rwanda y intervient directement ou indirectement pour piller les richesses du Kivu. En particulier les terres rares, si précieuses aujourd'hui. Le Rwanda exacerbe donc les conflits qui ravagent la zone des Grands Lacs. En suscitant la création de bandes rebelles qui sont dirigées par des officiers rwandais. Et lorsque ceux-ci deviennent trop visibles, ils regagnent tout simplement le Rwanda, où l'on fait semblant de les juger. Je vous rappelle qu'au début de janvier 2014, le groupe des experts onusiens sur le conflit du Kivu a rendu public un rapport assassin sur les agissements du Rwanda dans l'est du Congo. Car ces ingérences incessantes se traduisent par de véritables catastrophes humanitaires. Et vous pensez que si Washington a changé d'attitude vis-à-vis de Kagame, C'est essentiellement pour ces raisons ? Je le pense. Dès l'été 2012, les États-Unis ont gelé leur modeste assistance militaire annuelle au Rwanda. Puis, en novembre 2013, ils ont pris des sanctions concernant la formation des officiers rwandais. Est-ce suffisant pour impressionner Kagame ? On peut en douter, même si l'avertissement est clair. Mais je voudrais revenir sur ces affaires d'assassinat d'opposants. Si Kagame fait preuve d'une telle férocité, c'est qu'il s'est produit un vrai coup de théâtre en juillet 2013. Dans une interview à RFI, Nyamwasa et Karegeya ont accusé Kagame d'être responsable de l'attentat contre le Falcom du président Habyarimana. Ouais, c'est-à-dire l'acte déclencheur du génocide. Et ces deux anciens amis de Kagame ont affirmé avoir des preuves. Ils ont même dit attendre la convocation des juges pour parler. Ouais, mais en attendant, ils refusent de produire des preuves, non ? Et c'est très troublant, car le juge Trévidic, qui instruit le dossier en France, demande en vain depuis plus d'un an à l'Afrique du Sud l'autorisation d'interroger Nyamwasa. Le prétorien ne répond pas. En effet. Nyamwasa pourrait de lui-même prendre l'initiative de répondre au magistrat. C'est certain, mais il se réfugie derrière l'apparente obstruction des Sud-Africains. Mais il peut peut-être considérer que ces preuves qu'il prétend détenir sont sa protection. Certes, mais je crois surtout qu'il a peur. Le 4 mars dernier, des tueurs ont encore essayé de pénétrer son domicile et de le tuer, ce qui a entraîné de nouvelles difficultés diplomatiques entre Pretoria et Kigali. En tout cas, peur ou pas, je ne vous cache pas que je trouve le silence de cet homme assez étrange. Et pourquoi ce subit retournement de veste de ses deux anciens compagnons de Kagame ? C'est comme il l'affirme, Kagame a une responsabilité dans l'attentat contre Habyarimana, à la place qu'ils occupaient dans la hiérarchie. Il le savait depuis 1994. Et peut-être même était-il complice. Alors, pour être franc, je trouve cette envie soudaine de dénoncer Kagame très suspecte. Et ça rappelle l'attitude d'un autre dissident, Joshua Ruzibiza, l'homme qui a permis au juge Bruguière de construire un dossier d'accusation très douteux contre Kagame et les dirigeants rwandais. Ouais. Ruzibiza qui n'a cessé de se contredire. Et qui est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations avant de mourir d'un fulgurant cancer du foie. Ah oui, un vrai cancer ? Allons, M. Benoît, vous voyez décidément le mal partout. Enfin, pour conclure, je n'oublie pas que Karegeya, ancien patron des services secrets, était un orfèvre en matière de coups tordus et que ses accusations contre Kagame pourraient résulter d'une manipulation. Ce qui, par ailleurs, n'absout nullement le président rwandais dans ses affaires d'assassinat. Nous parlerons à nouveau du Rwanda la semaine prochaine à propos de l'attitude de certains de nos compatriotes dans cette douloureuse affaire. En attendant, je vous recommande au plus haut point la lecture d'une bande dessinée qui vient de paraître, écrite par Patrick de Saint-Exupéry, dont on connaît les articles courageux sur les génocides rwandais, est dessinée par Hippolyte. Elle s'intitule « La fantaisie des dieux, Rwanda, 1994 ». Sur franceinter.fr, comme d'habitude, vous pourrez communiquer avec nous et même réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca Denante, réalisée par Fabrice Legge et Michel Billou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, un peu de verdure avec CO2 Mon Amour de Denis Chessou.